Les pâtes de blé noir aux crevettes sautées, au citron et aux pistaches, pour les femmes de barbe bleue. Écrit par Hélène Duguay-Souvras, lu par Armen pour audiocité.net. Et si je vous disais que le barbe bleue de votre enfance, le monstre sanguinaire, l'époux barbare, celui dont Charles Perrault a capturé l'histoire pour l'épingler dans les contes de ma mère Loi, était breton. À la croisée des mythes et des contes, le conte breton de Barbe Bleue emprunte dès le VIe siècle à Cronos et à Œdipe, et même un petit peu à Ganesh dans la version de cette histoire tragique, mais bien sûr édifiante, et finalement christianisée. On en doit notamment une version à Émile Souvestre, romancier morlaisien du XIXe siècle, émigré en terre parisienne dans le foyer breton. La légende de Sainte Tryphine apparaît en 1531 dans les grandes chroniques d'Alain Bouchard. On y découvre le seigneur Conomore ou Comore, Marie irascible, ayant déjà fait périr plusieurs de ses malheureuses épouses. Le comte de Vannes, Guéroc, lui ayant dans un premier temps refusé, par précaution sans doute, la main de sa fille Tryphine, il finit pourtant par la lui accorder, moyennant la promesse qu'à sa requête, saint Gildas lui fit de la lui restituer, saine et franche, quand il la lui requerrait. Quelque temps avec ce funeste Hyménée, la nouvelle reine s'étant rendue dans la chapelle où sont les tombeaux des femmes de Conomore, leurs fantômes lui apparurent et la visèrent que ce prince avait pris la fâcheuse habitude de tuer ses épouses dès qu'elles étaient enceintes. Un oracle lui ayant annoncé que son premier-né le ferait passer de vie à trépas. Comme elle était dans cet état, la malheureuse s'émut légitimement et les fantômes lui donnèrent divers objets pour l'aider dans sa fuite. Conomore la poursuivit jusqu'à un petit bocage où il la découvrit et lui coupa la tête sans autre forme de procès. Le comte Guéroc, grandement douloureux, alla trouver saint Gildas et le supplia de tenir sa promesse. Gildas se rendit auprès du cadavre, lui recolla la tête. En ce temps-là, la médecine était infiniment plus efficace qu'aujourd'hui. Et, à force de larmes et de prières, obtint de Dieu qu'il ressuscita Tryphine. La reine resta chez son père jusqu'à la naissance de son fils, Trémeur, puis s'installa dans un couvent sur le conseil de saint Gildas qu'elle s'apprêtait à suivre. Son enfant fut placé au monastère de Ruys pour son instruction. Son père, qui avait de la suite dans les idées, le retrouva quelques années plus tard et lui trancha la tête. Pas d'inquiétude toutefois pour le malheureux Trémeur. Une autre version lui réserve un sort un peu plus enviable. On raconte au Guilvinec que Comore vécut dans le manoir de Kergos avec son fils Trémeur et son épouse Tryphine. Une sorte de malédiction voulait que cette dernière pâtirait de la sorte tant que son époux n'aurait pas trouvé son maître. Trémeur décida donc de battre son père à la soule, un jeu de ballon. Il y parvint si bien au cours d'une partie que le terrible seigneur s'effondra de fatigue. Néanmoins, après avoir repris suffisamment de force, il rattrapa Trémeur et, de rage, lui trancha la tête. Sans se laisser démonter, ce dernier ramassa sa tête et la glissa sous son bras. C'est alors que Comore rendit son âme au diable. On dit que Trémeur continua à jouer à la soule et que, ces jours-là, il laissait sa tête au manoir pour être plus libre de ses mouvements. Perdre la tête, mais pas l'appétit, avec une belle assiette de pâtes fraîches de blé noir, des crevettes au piment et au citron, et un joli chutney de coriandre fraîche. Pour 4 épouses de Barbe Bleue ressuscitée, 400 g de blé noir bio de Biodivi, 4 œufs du poulailler, 600 g de grosses crevettes crues, un joli piment frais en saison, sinon sec ou encore sorti du congélateur. Une cuillère à café de curcuma, une gousse d'ail, huile d'olive, sel de Guérande, un citron vert, une poignée de pistaches mondées et un petit pot de chutney de coriandre. Voir les archives de guezou.canalblog du 12-1-2015. La veille, décortiquer les queues de crevettes. On peut réaliser un court bouillon avec les têtes et les carapaces pour une utilisation ultérieure. Et les placer dans un sachet avec la gousse d'ail pilée, le curcuma, le piment finement émincé, 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bien fermer le sachet et mélanger pour répartir les épices sur les crevettes. Placer au frais jusqu'au lendemain. Le jour J, commencez par les tagliatelles fraîches. Placez dans le bol du robot pâtissier la farine de blé. Au crochet, mélangez en ajoutant les œufs au fur et à mesure jusqu'à obtenir une boule de pâte non collante. Au besoin, rajoutez soit un peu d'eau, une cuillère à soupe, soit un peu de farine, une cuillère à soupe. Filmez la boule de pâte et la laissez reposer au frais une bonne heure. Au bout de ce temps, divisez la pâte en petits pâtons et les passez au laminoir ou au rouleau pour obtenir des feuilles de pâte. Utilisez alors un peu de farine si nécessaire. Les découpez alors en lanières, au couteau ou au laminoir et laissez sécher les tagliatelles sur un torchon ou un petit étendoir à pâte jusqu'au moment de les cuire. Faire torréfier les pistaches au four pendant une grosse dizaine de minutes. Dans un wok bien chaud, faire sauter le contenu du sachet de crevettes pendant quelques minutes. Inutile d'ajouter de l'huile, il y en a déjà. Les crevettes sont cuites lorsqu'elles se recroquevillent et rosissent. Prélevez à la râpe le zeste du citron et terminez la cuisson des crevettes par le jus de citron vert. Réservez. Pendant la cuisson des crevettes, cuire les pâtes fraîches 3 minutes dans une grande quantité d'eau salée. Dressez les pâtes égouttées dans un plat de service chaud et versez immédiatement les crevettes et le jus de cuisson parfumé. Mélangez rapidement sans trop insister. Ajoutez alors les pistaches croquantes et servir sans attendre en compagnie du petit pot de chutney de coriandre fraîche.